RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de RMC dans Motors. Merci beaucoup de nous rejoindre et de nous être fidèles, de plus en plus nombreux, vous le savez, pour la seule émission consacrée au sport mécanique sur cette antenne de RMC. Et d'ailleurs, on peut dire sur toutes les radios françaises, cette tranche de 2 heures tout à fait formidable. Et on va commencer par un moment d'émotion, je vous le dis tout de suite, parce que c'est Jean-Claude Olivier que nous allons avoir en ligne, qui a bien voulu nous consacrer quelques minutes. Jean-Claude, qui est l'emblématique patron de Yamaha Motor France, qui a présidé aux destinées de la marque en France depuis 1965. Et Jean-Claude, qui est avec nous quelques heures à peine après avoir pris cette retraite bien méritée. Bonjour Jean-Claude Olivier. Bonjour Jean-Luc, de Madrid. Oui, de Madrid, je sais que tu es là-bas et je te remercie infiniment. Hein, vraiment, je sais que tu voulais rompre un petit peu avec toutes ces obligations, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions mercredi soir lors de cette soirée où tous tes amis, tes pilotes étaient présents pour te rendre hommage, te remercier pour ces 45 années consacrées à la passion de la moto et à la passion de Yamaha. Alors, avec un tout petit peu de recul, maintenant, je sais qu'il y a eu également une cérémonie organisée au siège de Yamaha Motor France jeudi. Raconte-nous un petit peu le flux de sentiments qui t'ont submergé. Bah écoutez, j'ai eu la chance de vivre un des moments exceptionnels d'émotion dans une vie récréative et combative. C'est vrai qu'en bonhomme et esprit de compétiteur, je m'étais toujours installé dans l'état d'esprit du compétiteur qui cherchait toujours à faire gagner avant de gagner lui-même. Et ma vie a été exaltante dans cet esprit. Jean-Claude, tu es aussi pilote, hein, il faut le rappeler, avec des résultats fantastiques, notamment une deuxième place au Paris-Dakar en 1985, une deuxième place à l'Enduro du Touquet. Et j'ose dire, les pilotes, on va les faire intervenir, hein, Christian Sarron, et on va le prendre dans quelques secondes, et Stéphane Peter-Hansel était là, mais tu pouvais tester les produits dans les conditions les plus difficiles toi-même, et tu es à l'origine de la création d'un certain nombre de modèles au sein de la gamme Yamaha. Ben oui, j'ai toujours voulu toucher la compétition de très près, la toucher par les hommes que Yamaha choisissait, qui ont été évidemment la prolongation de l'esprit de la marque, et puis surtout l'aspect des valeurs humaines au travers de la course, très très important. Alors, il fallait toucher les produits, il fallait garder cet esprit de compétition en comprenant le sens de la course soi-même, et puis le transposer évidemment dans l'esprit business et l'entreprise. Jean-Claude, je ne vais pas surcharger en émotion, mais c'est véritablement une page d'histoire, hein, pour la moto en France et pour la marque Yamaha qui s'est tournée avec ton départ. Est-ce que ta décision a été difficile à prendre, ou est-ce qu'on en a parlé ensemble, il y a même 10 ans qu'on en a parlé la première fois. Est-ce que tu as pensé un moment pour poursuivre un petit peu tes activités ou pas? Non, je pense qu'un bon compétiteur doit savoir ne pas faire la course de trop, et j'ai réfléchi dessus. J'ai eu un grave accident de la main en 2006 et tout ça m'a... par l'entreprise, m'a permis de m'occuper dans les moments de souffrance extrême et de décider aussi que à ma date anniversaire, le 27 février, eh bien j'arrêterai cette compétition pour ne pas la faire de trop. Bien sûr, je resterai président de Yamaha France, mais sans aucun pouvoir exécutif, juste à titre de conseil, de consultation, parce que vous savez, je suis un Yamaha lover, j'aime ma marque, la marque qui m'a permis de me réaliser, et donc j'y serai toujours attaché. Et tu donnes la clé, hein, ça a été symboliquement fait mercredi, à Eric Dessène, qui a travaillé déjà 11 ans chez Yamaha Motor France, qui est revenu l'an dernier, qui est un type de confiance, un passionné aussi, et quelqu'un qui a un parcours entièrement dédié à la moto. Ben oui, parce que un compétiteur doit toujours réussir sa propre succession, et il doit aussi réussir sa propre reconversion de vie. Ce sont les deux challenges sur lesquels j'ai travaillé et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je suis un homme heureux et je vais pouvoir donner un peu plus de temps au temps. Et oui, et puis à ta famille, à Colette, à qui tu as rendu hommage, ton épouse, et puis tes enfants et tous tes proches. Alors Jean-Claude, je te propose de retrouver tout de suite Christian Sarron, qui est avec nous également et qui a souhaité intervenir là aussi aujourd'hui pour te rendre hommage. Salut Christian. Oui, bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Jean-Claude, t'entends, hein, normalement. Bonjour Jean-Claude, bien sûr. Bonjour Christian. Oui, bonjour Jean-Claude. De Madrid. Oui, j'ai appris. Alors Christian, écoute, je voulais revenir avec toi sur ce titre fabuleux de champion du monde de vitesse en 250 cm3 en 1984. Tes 7 victoires en Grand Prix, ta victoire en 500 à l'époque à Hockenheim. Enfin, le flux de sentiments également qui t'ont submergé mercredi dernier. Oui, ça a été vraiment une soirée formidable, une soirée où on a pu être presque tous réunis. Il manquait Jacques Vimont qui malheureusement avait été retenu, et puis quelques autres bien sûr, mais c'était vraiment très émouvant de voir Jean-Claude comme ça, qui allait tirer sa révérence. Bon, pas tout à fait, j'imagine. Il l'a dit d'ailleurs, il restera bien impliqué chez Yamaha, j'en suis certain. Mais pour moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans la vie, il y a des jours, le hasard intervient et surtout la chance. Eh bien, le hasard et la chance, pour moi, je les ai connus le jour de ma rencontre avec Jean-Claude Olivier. Pourquoi ? Parce que Jean-Claude, bien sûr, m'a donné ma chance pour courir sur des motos, donc les motos Yamaha pendant 15 années en Grand Prix. Et puis, il a su me faire confiance, il a su rester fidèle. Ça a été bien sûr réciproque, ça a été une image, mais il a été pour moi, c'est ce que je voudrais lui dire, il a été un modèle de passion, un modèle de courage, un modèle de persévérance, de motivation et d'intelligence dans sa gestion de la course, dans sa gestion de sa vie. Et je voulais le remercier pour ça, parce que ça m'a très souvent donné du courage et motivé encore plus. Jean-Claude, une réaction à ces paroles de Christian ? Ben, je renverrai la même chose à Christian, parce qu'il a été une force formidable pour moi et un exemple aussi de détermination, de rayonnement et de talent. Et je crois que le succès, le plus beau succès, c'est celui qu'on partage. Donc on vient de partager tous les deux une grande émotion en commun. Et je l'en remercie, parce que ce sont des témoignages qui font chaud au cœur. Et puis Christian, je crois que tu as rendu hommage également mercredi à Patrick Pons, hein, bien sûr, à côté de qui tu as débuté. Patrick Pons, qui a été champion du monde 750 en 80, vainqueur de Daytona. C'était ton grand frère quelque part ? Oui, c'est ça, c'était mon grand frère. Et bien entendu, je lui avais dédié mon titre. Parce que après la disparition de Patrick, il y avait un grand vide dans ma vie de passionné de course. Et finalement, si j'ai continué la course, c'était pour lui rendre hommage, mais aussi parce qu'il aurait fait la même chose. Alors, j'ai voulu en parler. Patrick Pons, qui lui aussi, ça a été une autre chance de ma vie de pouvoir le rencontrer. Et c'est d'ailleurs Patrick qui nous a réunis, Jean-Claude Olivier et moi, enfin qui m'a présenté à Jean-Claude Olivier. Donc Patrick est bien entendu, il sera toujours présent dans mon esprit. Oui, et puis c'est des grands souvenirs également, Christian, puisque tu as débuté la compétition moto au milieu des années 70. Hein. D'ailleurs, ça ne va pas nous rajeunir, mais on a roulé ensemble à l'époque, il y a quelques années, notamment au Mans. Tu as gagné le bol d'or avec ton frère Dominique en 94 sur une Yamaha. Ça aussi, c'était une formidable émotion. Oui, c'était une formidable émotion, parce que j'avais toujours été adversaire de Dominique, qui était sur une autre marque la plupart de sa carrière. Donc, se retrouver ensemble, c'était quelque chose d'un peu exceptionnel, de vraiment bien. Mais surtout, l'émotion pour moi, elle était d'avoir pu apporter cette victoire à Yamaha, à Jean-Claude Olivier, à toute l'équipe. Parce que je crois qu'on avait eu quand même un petit peu de malchance, un petit peu de concours de circonstances malheureux au cours des autres expériences de vol d'or. Donc vraiment, avec cette persévérance, eh bien, on a pu de toute l'équipe et de Jean-Claude, on a pu ensemble, avec aussi le regretté Nagai, bien sûr, on a pu décrocher cette victoire, et c'était avec une grande, grande émotion. Ouais, c'était un moment très émouvant. Jean-Claude, je vais te remercier infiniment, j'ai promis de ne pas te garder très très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Je sais que la passion sera toujours là, on l'a dit, Eric De Seyn sera là s'il a besoin de conseils, mais tu n'interviendras pas directement, tu as besoin de faire un break là. J'aime la mer, la montagne, les déserts, et je voudrais donner un peu plus de temps au temps. Pour l'instant, c'est le but, c'est de se faire un grand break pour se laver un peu l'esprit et puis revenir avec un esprit tout frais pour faire peut-être autre chose et distiller un peu mon temps, en laisser un tout petit peu pour la marque et puis pour le reste, ma famille, le plaisir, les autres, et en tout cas, longue vie à Motor CV, longue vie à mon pote Jean-Luc, et puis Christian, et puis tous ceux que j'ai aimés, eh bien, je leur souhaite évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée, et puis tous les fanatiques du sport mécanique, auto, moto, bateau, dans lequel j'ai baigné, eh bien, continue de vivre votre passion, c'est le moteur de la vie, on en a besoin, c'est ce qui pousse évidemment beaucoup plus loin, et en tout cas, sans ça, eh bien, la vie est évidemment beaucoup plus fade. Merci, merci et à très bientôt, amitié. Merci beaucoup, Jean-Claude. JCO pour tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Et bon vent, comme on dit, effectivement, mais on sait qu'on se recroisera bientôt. Christian, je vais te garder encore quelques minutes, si tu veux bien. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver ensemble avec un autre grand champion qui a décroché 6 victoires au Dakar pour Yamaha, Stéphane Peter Hansel, bien sûr. Restez avec nous sur RMC. RMC Motors, avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Vous restez avec nous naturellement sur RMC dans Motors. Vous le savez, beaucoup d'émotions aujourd'hui pour le départ à la retraite à 65 ans révolu. Maintenant, c'était hier, de Jean-Claude Olivier, le PDG emblématique de Yamaha Motor France et importateur de la marque depuis 45 ans. Christian Sarron est toujours avec nous, bien sûr, le champion du monde 250-84 et un autre très grand champion de la marque nous a rejoint, Stéphane Peter-Hansel, 6 fois vainqueur du Dakar. Salut Stéphane. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Christian, t'écoute toujours, hein. J'ai envie de faire une petite transition entre tous les deux parce que vous vous êtes côtoyés sous les couleurs de la marque aux trois diapasons, hein. Toi, tu as rejoint Yamaha, si je me souviens bien, en octobre 87. Et bien sûr, Christian était toujours sous les couleurs. Alors, quel regard avais-tu, toi, sur les autres champions de la marque et sur Christian, par exemple, à l'époque? Tout d'abord, l'image que j'avais de Yamaha, c'est d'une équipe très professionnelle, très soudée et très à l'écoute de ses champions. Et c'est vrai que quand j'ai côtoyé Christian pour la première fois, moi c'était, je veux pas dire que c'était mon idole parce que j'étais plus branché tout terrain, mais c'était quelqu'un que j'admirais avec beaucoup de respect. Et puis voir ce qu'il faisait sur une moto de route, son titre de champion du monde, et après les courses qu'il a fait en 500, à l'époque des 500 hyper puissantes, moi ça m'impressionnait. Donc Christian, j'ai beaucoup aimé et puis beaucoup de respect. Christian, tu as été troisième après, hein, en 85, en 89, on l'a dit, toi aussi. Alors c'était une famille Yamaha, c'est une famille Yamaha, on peut le dire, grâce à Jean-Claude Olivier. Voilà, exactement. Alors je remercie d'abord Stéphane et je voudrais dire que si lui a pu être passionné par la vitesse, eh bien moi, Stéphane m'a appris à être passionné, même si je n'avais pas besoin de ça, m'a appris à me passionner pour l'enduro, pour le Dakar, pour tout ce qu'il faisait. Et je dirais que moi aussi, j'ai beaucoup admiré Stéphane, qui a gagné beaucoup plus souvent que moi. Mais c'était une famille, oui, c'est vrai. On se côtoyait de temps en temps chez Yamaha ou pendant l'hiver, parce que le calendrier des courses, bien sûr, dans des disciplines différentes, ne nous permettait pas trop souvent de nous rencontrer, mais quelquefois l'hiver au ski ou ailleurs, ou à d'autres choses. Et c'était, voilà, c'est la famille. C'est-à-dire tous les gens de Yamaha, tous les pilotes de Yamaha, eh bien, on fait une famille, bien sûr, on était une famille. Il y avait bien sûr Patrick, il y a eu aussi Jacques Villemont et bien, bien d'autres. Donc, voilà, on partage quelque chose ensemble et bon, ça restera toujours. C'est clair. C'est un état d'esprit, il faut le conserver précieusement. Merci beaucoup, Christian. J'ai promis de ne pas te garder trop longtemps non plus. On va continuer, bien sûr, avec Stéphane. Merci pour cette passion pour la moto et pour la marque. Alors Stéphane, quand tu es venu chez Sonoto Yamaha, à l'époque, au Dakar, Jean-Claude t'a dit « Je te prends sous mon aile, je vais t'apprendre l'Afrique. » Et c'est ce que tu as fait avant de triompher brillamment en 91, hein, 4 années plus tard. Oui, c'est vrai. Alors tout d'abord, moi, mon rêve était de faire le Dakar. Et quand Jean-Claude Olivier m'a contacté pour me proposer de participer au Dakar directement en tant que pilote professionnel, bien sûr, c'était un rêve pour moi. Et là, Jean-Claude a été le patron parfait, le manager parfait, parce qu'il a dû voir que j'avais certaines qualités, mais il savait aussi que le Dakar, c'était une course d'expérience qu'on ne pouvait pas gagner rapidement. Et il m'a vraiment laissé le temps de comprendre la discipline. Il m'a donné tous les infos, tous les tuyaux qu'il avait pu, lui, apprendre et son expérience pendant de nombreuses années. Et vraiment, ça s'est fait dans une atmosphère très professionnelle, mais aussi sans trop de pression. Donc c'était vraiment très agréable de débuter avec Yamaha. Oui, et puis beaucoup, on l'a dit, beaucoup de passion, beaucoup d'humanité également. André Malherbe, hein, le multiple champion du monde de motocross, était là également à cette soirée mercredi. Lui qui, malheureusement, suite à un grave accident, est tétraplégique aujourd'hui. Mais il a tenu à être là pour rendre hommage à JCO. Stéphane, il faut se le répéter, 6 victoires au Dakar à moto, ça paraît totalement incroyable. 91, 92, 93, 95, 97 et 98. Pourtant, tu as été sollicité par d'autres marques, bien sûr, pour partir. Tu es toujours resté fidèle à Yamaha, même si on te payait beaucoup plus ailleurs. Oui, il y a eu quelques opportunités qui auraient pu, effectivement, peut-être me faire gagner un peu plus d'argent. Mais je crois que ce n'était pas ça. Dans une carrière de pilote professionnel, ce n'est pas le côté financier qui compte. Enfin, en tout cas, pas pour moi. J'ai toujours privilégié l'esprit d'équipe, le matériel, les chances de pouvoir s'imposer. Et chez Yamaha, j'avais tout ça à la fois. Avec Jean-Claude Olivier, c'était parfait. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir m'imposer, bien sûr sur le Dakar, mais aussi dans d'autres disciplines. Donc voilà, j'ai pas été séduit par les sirènes de l'argent. J'ai voulu rester. Et encore aujourd'hui, j'ai un pied dans la maison Yamaha. Et c'est avec beaucoup de, de reconnaissance et de plaisir. Et tu continues à rouler effectivement pour l'occasion. Alors, tu viens de l'évoquer, hein, tu t'es illustré sous toutes les latitudes ou presque. Tu l'as emporté en Tunisie, à l'Atlas, au Paris-Pékin, au Dubaï Challenge. Tu as été 2 fois champion du monde d'enduro, 5 fois aux ISDE, 9 fois au trèfle, 11 fois champion de France d'enduro. Tu vois, j'ai tout sous les yeux. Et puis, tu t'es imposé en voiture également. Tu es passé aux 4 roues et brillamment avec 3 victoires. C'est incroyable, 9 victoires au Dakar. Oui, au total, 9 victoires au Dakar. Donc, c'est sûr que ça fait lourd. Hein. C'est beaucoup de temps en Afrique, c'est beaucoup de périodes pour s'entraîner, se préparer, développer le matériel, que ce soit à l'époque avec Yamaha, par la suite avec Mitsubishi. Mais bon, c'était ma passion, et cette passion, je l'ai eue de Jean-Claude, parce que les premiers tours de roue que j'ai fait en Afrique, c'était aux côtés de Jean-Claude. C'est lui qui m'a montré ce qu'était le désert, qui m'a appris ce qu'était le désert, qui m'a appris ce qu'était la navigation. Et aussi, il m'a appris aussi beaucoup de qualités qu'on peut... retrouver dans la vie, c'est-à-dire la persévérance, la combativité, l'exigence, la perfection, tout ça je l'ai retenu de Jean-Claude et je l'ai mis en application pendant de nombreuses années. Bah, j'allais te dire, voilà Stéphane, hein, et on va remonter bien sûr à Thierry Sabine, à qui on a rendu hommage également mercredi, puisque Diane Thierry Meggs, son épouse, était là. Est-ce que le Dakar te sert tous les jours, toi, dans ta vie d'homme ou dans d'autres expériences? Dakar, c'est une course où il faut rester humble, on n'est pas grand-chose face à la nature, face au désert, et on peut s'en servir bien sûr tous les jours en restant humble face à ce qu'on fait. Et forcément, on peut pas tout retirer de la course et de l'Afrique, mais en tout cas, on apprend plein de choses à travers ces compétitions. Bon, Stéphane, c'était fabuleux de t'avoir aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Je sais que tu es très occupé. Là, tu te remets une petite opération au genou, c'est ça, hein? Mais ton programme, c'est en voiture bientôt pour la saison avec BMW. D'ailleurs, tu as failli t'imposer là au Dakar au mois de janvier. C'était limite. Ouais, hein. Ouais, c'était bien parti. Et malheureusement, on a terminé 4e. Mais bon, on va continuer, on va persévérer. Et j'aimerais bien décrocher une 10e victoire au Dakar. Ah, ça, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci infiniment, Stéphane, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tu sais que l'antenne t'est ouverte quand tu veux, hein. Ok, merci. Allez, bonne journée à toi et merci d'avoir été présent dans cet hommage à JCO Jean-Claude Olivier. 45 ans d'histoire de Yamaha partagée en France. Vous restez naturellement avec nous puisque dans quelques minutes maintenant, eh bien, on va aborder la Formule 1. Vous le savez, la Formule 1, c'est sur RMC comme nulle part ailleurs avec la Dream Team et notamment Patrick Tambay. Vous êtes avec nous, bien sûr. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, après les nouvelles des JO, et c'est la dernière journée, et oui, avec ce match, on l'a dit, ce match au sommet en hockey, mais je peux vous dire que le match au sommet en Formule 1, eh bien il a déjà commencé, car évidemment, il y a les séances d'essais qui se déroulent à Barcelone. En ce moment, on va en parler dans un instant avec les derniers résultats, en compagnie de la Dream Team, Patrick Tambay. Salut Patrick. Alors, il va revenir tout de suite, Patrick Tambay, mais Stéphane Sanson doit être avec nous normalement depuis Barcelone. Salut Stéphane. Ah bon, on n'a pas de chance, et ben moi, au moins il y a Antoine Arlot, et ben voilà, Antoine, salut Antoine. Salut, merci de nous rejoindre pour cette très très belle saison de Formule 1 qui s'annonce absolument fantastique. Alors, je vous le disais il y a un instant, et bien les résultats, là vous les avez à chaud, puisqu'on a une ligne directe avec Barcelone, avec donc cette dernière, toute dernière journée, toute dernière séance d'essai de la Formule 1, avant les essais officiels de Bahreïn, hein, et c'est bientôt, vous le savez, puisque le premier Grand Prix, ce sera à Shakir, donc, pas le week-end prochain, mais l'autre après. C'est Hamilton, je ne vous maintiens pas le suspense trop longtemps, avec sa McLaren qui est le plus rapide en 1 minute 20 secondes et 472 millièmes. Il précède Felipe Massa et sa Ferrari de 67 millièmes. Le troisième, eh bien, ce n'est pas une énorme surprise, c'est Sébastien Vettel avec la Red Bull Renault qui lui est à 195 millièmes. On trouve ensuite Michael Schumacher avec la Mercedes, là aussi on va y revenir. Quel événement que de voir Schumacher à nouveau en Formule 1 à 273 millièmes. Le cinquième, c'est Barrichello avec la Williams. Buemi avec la Toro Rosso est sixième. Kobayashi, le brillant japonais avec la Sauber, 7e. Sutil, 8e avec la Force India. Kubica avec la Renault est 9e. Kovalainen, 10e avec la Lotus. Et enfin, Di Grassi avec Virgin derrière. Alors, on peut dire, Antoine, que les grandes manœuvres sont engagées. Et dans l'intervalle, eh bien, on a récupéré Patrick. Salut Patrick. Salut Jean-Luc, bonjour Antoine. Salut Patrick. Et calme-toi, il va falloir durer 19 Grands Prix, là tu vas nous péter une durite là. T'inquiète pas, je me suis entraîné comme une bête tout l'hiver, moi aussi. Et puis j'ai rongé mon frein. Bon, t'as entendu les résultats, hein? Hamilton devant Massa, Vettel, Schumacher, Barrichello, il va falloir commencer à s'habituer à ça, hein? On retrouve les gros écoute, bras. Ouais. On a suivi ça de près, un mois d'essai intensif avec beaucoup beaucoup de simulations pour toutes les équipes, que ce soit en qualification, d'ailleurs le temps d'Hamilton bat la pole position de l'année dernière d'un dixième, que pour les courses, que pour les ravitaillements. Voilà, c'est une répétition générale. À Barcelone, c'était le circuit de référence le plus important. Alors, il y en a qui sont prêts, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Enfin, beaucoup d'intérêt déjà pour cette saison qui s'annonce des plus intéressantes depuis bien longtemps. Bien longtemps, effectivement, c'est ce que va nous confirmer Stéphane Sanson, justement, depuis Barcelone. Salut Stéphane. Oui, salut Jean-Luc, bonjour à tous. Ouais, c'est vrai que ça bastonne dur à Barcelone. Pour vous donner une idée de ce qui se passe en ce moment, au moment où on a pris l'antenne, c'était Massa qui avait le meilleur temps avec 53 millièmes d'avance sur Hamilton. Et puis au moment où tu as commencé à parler, Hamilton a battu la Ferrari, mais pour 67 millièmes. Donc ça y est, on est dans la séance de qualif et ça donne une idée de ce à quoi va ressembler la saison des Bahreïn. Ah oui, c'est le chaud bouillant là, et on l'a dit, les quatre équipes de pointe, hein, Antoine, la bande des quatre, on les a déjà baptisés comme ça. Le Big Four, voilà, avec McLaren pour le moment. Ils viennent de nous le confirmer, Stéphane, avec Hamilton, Ferrari juste derrière avec Massa. D'ailleurs, je rappelle qu'Alonso a dit que jamais il n'avait piloté une monoplace aussi performante. Vettel avec la Red Bull, on en a peu parlé parce qu'ils l'ont présenté tard et puis qu'ils ont un peu masqué leur jeu. Et Mercedes avec Schumacher. Alors, j'ai envie de revenir avec toi, Antoine, sur Schumacher, justement, en un mot, qui vendredi était déçu, qui pleure le vendredi, rit le samedi en disant « Oh, bah, je sais pas comment sont les autres », et puis finalement, il est content de la wheeler. Je sais pas si c'est parce qu'il s'est fait un peu taper sur les doigts. Je pense pas qu'on tape sur les doigts à Schumacher. Non, pas vraiment. Mais c'est vrai qu'au début, il disait que il était un petit peu déçu des performances de sa voiture, et puis le lendemain il a renversé la tendance et il a dit que finalement il en était content. Et Rosberg aussi a dit qu'il y avait beaucoup d'évolutions de prévues d'ici Bahreïn, donc voilà, c'est peut-être ça qui a fait changer d'avis. Alors Patrick, c'est la vraie question, on l'a dit et redit nous aussi, hein, on ne connaît pas véritablement le poids des monoplaces et même un fin analyste comme Michael Schumacher peut se laisser perturber voire troubler par les résultats, c'est tout dire. C'est quand il a vu les chronos réalisés par Rosberg qu'il s'est dit, bon, après tout, oui, elle n'est pas si mauvaise que ça, ma Mercedes. Bon, je voudrais rajouter à l'équipe des quatre, même si Ferrari a un léger avantage, Mercedes, McLaren et Red Bull sont ensuite. Mais alors derrière, il y a un groupe d'outsiders qui est vraiment qui se bat d'une manière intense. Je pense que Stéphane va pouvoir nous en donner des nouvelles. C'est Stauber, Toro Rosso, la petite sœur des Red Bull, les Force India qui sont super dans le coulis, Williams qui réalise des choses remarquables, la Renault, puis après bien sûr il y a la deuxième division. Mais enfin, pour revenir à Schumi, je pense qu'il joue un peu l'intox aussi. On a joué un petit peu à cacher ses forces en présence, cacher ses atouts et ses cartes. On en saura bien sûr beaucoup beaucoup plus le samedi de Bahreïn, mais la saison va être longue, il va falloir être constant, il va falloir être performant, il va falloir marquer des points très tôt dans cette saison. Donc Michael Schumacher à ce petit jeu là il est redoutable. Ah, il est redoutable. Alors Stéphane, j'ai envie de te poser une question directe, c'est pas une question piège du tout. Au-delà des charges en carburant que l'on peut analyser, comprendre en fonction de la durée des longues runs, d'ailleurs on a vu quelques équipes faire carrément la durée d'un Grand Prix pour justement mesurer la dégradation des pneumatiques, notamment avant, etc. Est-ce que tu penses que toutes les monoplaces sont véritablement au poids minimum, je dirais, qui leur est imposé avec les fameux lestes, hein, tu sais bien, l'hiver on a envie de se rassurer quand même. Et oui, c'est vrai qu'en plus il y a un petit changement cette année, c'est que les monoplaces passent de 605 kg à 620 kg en poids minimum, tout ça parce que ça a été décidé l'année dernière à la suite de l'arrivée du système à récupération d'énergie qu'on n'utilise plus aujourd'hui. On peut donc tricher un tout petit peu avec le poids des voitures, la FIA ne fait pas de vérification technique poussée, ce sont des essais libres, on fait ce qu'on veut. Donc c'est vrai que quand on a envie de décrocher un sponsor, peut-être qu'enlever 10 à 20 kg sur une voiture, si c'est possible, ça permet de gagner 3 à 6 dixièmes. Ce qui est intéressant aussi, et Patrick le soulignait, de voir en ce moment à Barcelone, c'est censé être aujourd'hui le dernier jour du dernier roulage avant Bahreïn, et les voitures qu'on voit, elles sont toujours pas identiques à celles qu'on va voir dans une dizaine de jours à Bahreïn. Tout le monde cache son jeu, y compris au niveau technique. Apparemment, chez Renault, 40% des pièces aérodynamiques de la voiture seront nouvelles à Bahreïn. On se base juste sur les simulations de la soufflerie. Ça devrait marcher, donc on va l'amener pour le premier Grand Prix. On teste pas avant, juste parce qu'il faut pas donner d'idées à la concurrence. Il faut pas leur permettre de réagir et de fabriquer des pièces en urgence avant la première course. Il y a même chez certaines équipes, je peux vous le dire, des gens qui s'attendent à être convoqués par la FIA dès les premiers roulages de vendredi à Bahreïn, parce qu'il se murmure que certaines choses assez extrêmes vont être greffées sur les voitures, notamment le diffuseur de la Renault, a priori. Ah, d'accord. Alors justement, Patrick, tiens, on va faire un peu de prospective avant le circuit de Shakir à Bahreïn. On l'a dit, ce sera le 14 mars, hein, ce Grand Prix. Et vous le savez, sur RMC, les week-ends de F1, c'est 5 jours. Ça commence dès le jeudi avec les alertes F1, les interventions dans le Moscato show, avec évidemment les qualifs en direct, avec le warm-up le matin, etc. Un circuit, Patrick, donc de 6,299 km, assez long, 49 tours à parcourir. Et tiens, c'est Button qui s'était imposé avec la Brown devant Vettel avec la Red Bull et Trulli avec la Toyota. Alors Patrick, on va voir apparaître encore, comme le suggérait Stéphane, des nouveautés étonnantes pour Bahreïn. Des nouveautés sur le plan technique, c'est assez surprenant parce que ce ne seront fait c'est les tests que par simulation. Donc il va falloir beaucoup de perspicacité pour chacun pour arriver à définir dès le vendredi les bons réglages. C'est ce qu'il faudra faire tout au long de la saison. Ça, c'est une des difficultés importantes de l'année. C'est ce qu'il faudra arriver à trouver les bons réglages en fonction justement de ces quantités d'essence qu'il va falloir embarquer au moment du départ, entre 150 et 160 kilos, et puis du comportement de son châssis, comportement de ses pneumatiques, surtout de ses freins, tout au long du Grand Prix. Donc vraiment beaucoup d'inconnus, et c'est les plus malins, les plus fins pilotes, les plus fins ingénieurs qui arriveront à simuler exactement comment régler leur monoplace pour la course. Donc pour ce Grand Prix de Bahreïn, il faudra être prêt bien sûr, mais ensuite pour les trois qui suivent, Melbourne, Malaisie et Chine, parce qu'on aura peu de temps pour, dans ces quatre Grands Prix de début de saison avant de revenir à Barcelone, faire vraiment beaucoup de développement. Alors Antoine, en tout cas il y a une constante, hein, pour les deux nouvelles équipes qui sont là, eux ils sont en bas du tableau en termes de résultats, et c'est normal, les trois jours, hein, jusque là, que ce soit Virgin avec Di Grassi donc, ou avec Glock, que ce soit Lotus avec Fauzi le premier jour, ou bien ensuite avec Trulli, eh bien on marque le pas, et c'est normal, hein, ce sont des équipes nouvelles. Ouais, elles sont arrivées un petit peu plus tard que les autres. Bon, ça paraît normal, comme disait Patrick tout à l'heure, c'est un petit peu la deuxième division finalement de la Formule 1, même si quand même il faut leur donner leur crédit, c'est quand même autre chose, et ça n'a rien à voir avec des équipes. Même Toro Rosso, qui n'était pas forcément exceptionnel l'année dernière, bah, y a quand même l'expérience de la préparation d'une saison de Formule 1. Avec une voiture, Stéphane, ce qui est important, une voiture conçue par Toro Rosso. Hein. Cette fois, ce n'est pas seulement une copie de la Red Bull. D'ailleurs, la preuve en est, elle a été présentée avant. Alors évidemment, on a bénéficié de tout ce que Red Bull avait partagé pendant plusieurs saisons. Donc effectivement, la base est celle de la voiture de l'année dernière, qui a été rallongée d'une vingtaine de centimètres, parce qu'il faut bien loger le réservoir quelque part. Oui. Mais il y a des petites évolutions intéressantes, notamment sur l'avant de la voiture, les écopes de frein, le diffuseur, c'est du tout fait comme à la maison. Et puis pour revenir à ce que disait Antoine là, sur les nouvelles équipes, c'est vrai qu'il y a deux structures vraiment très différentes. On a l'impression d'avoir Lotus d'un côté qui part de très loin, d'assez bas, mais qui se structure comme il faut. Ils ont une voiture solide, fiable, et petit à petit on va mettre en place un programme de développement pour progresser. Chez Virgin, moi ça me fait un petit peu peur pour le moment. J'ai l'impression que cette voiture elle est un petit peu à la limite de partout, en fiabilité, peut-être même en sécurité. On a vu qu'elle avait perdu son aileron avant dès les premiers tours avec Luca Di Grassi au volant. Une voiture qui, on le rappelle, n'a jamais été testé en soufflerie, qui repose uniquement sur le verdict de l'ordinateur. Ça, c'est un peu la démarche de Nick Wirth. Nick Wirth, qui a toujours été un ingénieur un petit peu lunaire, c'est lui qui avait un petit peu mis Benetton dans l'apanage dans les années 90. Et puis, faut pas le cacher, je veux dire, tout le monde s'est regardé à Jerez quand cette voiture a perdu son aileron avant, parce qu'on a tous pensé à Roland Ratzenberger, qui s'est tué au volant d'une Simtek en perdant son aileron avant, une voiture conçue par Nick Wirth également. Donc, les gens ont beaucoup de mal à voir ce que vaut vraiment cette équipe Virgin, et on a, je pense, tous un tout petit peu peur au niveau de la sécurité et de la fiabilité de cette voiture sur les suspensions et sur l'aéro. Oui, tu viens de le dire, Stéphane, et puis Patrick, si on regarde le nombre de tours parcourus, hein, on s'y intéresse aussi pour confirmer ce que vient de dire Stéphane. Le premier jour, eh bien, Di Grassi justement avec la Virgin, 31 tours, alors que Fauzi avec la Lotus en fait 74. Deuxième jour, eh bien, la Lotus de Trulli, 70 tours, 52 seulement pour la Virgin de Glock. Et enfin, le troisième jour, pour le moment, eh bien, la Lotus de Trulli, 102 tours. Alors là, on a aligné vraiment les tours, et 31 seulement pour la Virgin. C'est vrai qu'il y a un souci, hein, Patrick, à ce niveau-là. Il y a beaucoup de difficultés pour ces jeunes équipes qui arrivent. Elles sont parties assez tardivement. Elles ont été construites sur des concepts de budget réduit. Donc peut-être Lotus un petit peu moins que les autres. En tout cas, Virgin, Campos, USF1 ou même Stéphane Grand Prix, pour qui là aussi c'est la grande question d'interrogation, vont probablement souffrir tout au long de l'année. J'espère pour elles qu'elles seront capables de tenir la distance. Formidable, Patrick m'a fait le teasing. Vous restez avec nous dans quelques secondes. On continue sur la Formule 1 avec évidemment les nouvelles écuries, bien sûr, celles que l'on n'a pas vues encore, et les dernières news notamment concernant Jacques Villeneuve. Restez avec nous sur RMC dans Motors. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et vous êtes toujours dans Motors avec les dernières infos sur la Formule 1, vous le savez, avec l'équipe qui piaffe également d'impatience que de découvrir cette nouvelle saison. Ce sera 12, 13, 14 mars sur l'antenne de RMC avec évidemment la Dream Team. Patrick, alors on a parlé des écuries nouvelles. Malheureusement, deux manquent toujours à l'appel, en tout cas sur le terrain. USF1, bien évidemment, sur laquelle planent évidemment les doutes les plus importants. On a parlé, Patrick, également d'une possibilité d'accord avec la nouvelle équipe Stéphane GP qui ferait courir Jacques Villeneuve. Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Oui, on a parlé aussi d'une possibilité d'accord avec Campos. On est en train d'essayer de faire des fusions et de mutualiser les forces en présence. Nous avons à l'heure actuelle 4 champions du monde sur la piste et peut-être que nous en aurons 5 avec le grand désir de Jacques Villeneuve de revenir et qui est prêt à tout accepter, Jacques, pour pouvoir se retrouver en Formule 1 et faire bénéficier une jeune équipe peut-être, en tout cas, de son expérience et de son métier. C'est un argument qu'il défend avec beaucoup de véhémence. Les pilotes d'expérience feront la différence, dit-il, cette saison, avec le format des courses, sans ravitaillement, avec des pneus à gérer. Donc, il est absolument très déterminé à faire son retour, même dans des conditions compliquées. Alors, on ne sait pas ce que le grand Manitou, le grand chevalier blanc de la Formule 1 va décider de faire. En tout cas, il œuvre énormément en coulisses pour permettre à cette 13e, cette 12e et cette 13e équipe, Campos et Stéphane Grand Prix ou ISF1, d'être au départ de ce premier Grand Prix de la saison. C'est compliqué, hein. C'est compliqué sur le plan technique, c'est compliqué sur le plan de l'actionnariat, c'est compliqué donc sur le plan financier et sur le plan sportif pour Jarno Trulli et Heikki Kovalainen, hein, chez Lotus, parce que faut bien le remarquer puis le considérer, hein. Pour l'instant, sportivement et techniquement, ils ne sont pas dans les clous. Ah, c'est clair, ils en sont loin. Rassure-moi, Stéphane, ou plutôt conforte-moi, Stéphane Grand Prix, tu n'as rien à voir là-dedans, toi. Rien à voir. Bon. Il aimerait. Hein, il aimerait bien. Oui. Alors, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qui se dit dans le paddock et dans les couloirs de Barcelone sur ce baquet que Jacques irait mouler à Cologne, donc là-bas, puisqu'on sait qu'au départ, hein, cette Stéphane GP, si elle voit le jour, eh bien, elle sera conçue sur les bases de la Toyota, des études Toyota. Oui, exactement. Elle serait, le baquet de Jacques pourrait être fait dès demain, dès lundi. En fait, on a un jeu de poker menteur entre trois équipes qui est en train de se jouer en ce moment. Et même les directeurs des équipes en place, les membres de la FOTA, ne savent pas trop ce qui est en train de se passer. Ils avaient eu une réunion très importante à Londres lundi dernier. Et ils apprenaient en fait les choses au moment où elles arrivaient et cherchaient à en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Campos d'un côté et USF1 qui doivent normalement arriver sur la grille de départ à Bahreïn. On sait que USF1 n'est pas prêt. Il y a même pas une suspension à greffer sur une monocoque de ce côté-là. On sait que Campos a manqué d'argent, a été repris et a de grandes ambitions avec une voiture qui pourrait être déverminée en Italie dès cette semaine. Et puis avec on a dans l'équation une structure qui s'appelle Stéphane GP, qui a pas mal d'argent, qui a racheté la propriété intellectuelle de Toyota, qui rachète également le matériel. Des ingénieurs ont continué à développer la voiture qui aurait dû s'appeler Toyota cette année, mais ce Stéphane GP n'a pas d'entrée garantie par la FIA. Et donc on a deux possibilités qui sont en train de se faire jour aujourd'hui. On sait que Campos et USF1 se sont rencontrés cette semaine pour essayer de faire une seule équipe de ces deux structures, mais Stéphane GP fait aussi un appel du pied à USF1 en disant, écoutez, vous n'avez pas de voiture et une entrée, nous, on a une voiture et pas d'entrée, il y a peut-être moyen de s'entendre. Donc rien n'est joué encore. Et oui, et Patrick, on sait que déjà un premier pilote, un Kazuki Nakajima, le japonais, a été désigné officiellement par Zoran Stefanovic, donc le patron de Stéphane Grand Prix, et Pastor Maldonado serait le pilote de réserve. Et les discussions, je crois que c'est mardi dernier, hein, que ça a coincé avec Chad Hurley apparemment. Oui, c'est un personnage très très important parce que c'est celui qui détient les cordons de la bourse et qui pourrait, il prenait confiance et attache auprès d'une équipe plutôt que de l'autre, de mettre son soutien sur l'une ou sur l'autre. Et puis dans l'affaire de Campos aussi, c'est Bruno Senna qui nous intéresse là. Donc oui. il est important que là aussi ça se structure correctement. C'est clair. Alors Antoine, tiens, on va revenir aux gens heureux. Button, Jenson Button, qui est parmi régulièrement les plus rapides, hein, puisque le troisième jour là à Barcelone, avec sa McLaren, une 21-450, il a couvert 105 tours, il se déclare très heureux de ses essais. Des améliorations aéro. Alors lui, il le dit carrément, il y aura encore beaucoup de choses nouvelles sur la MP425 pour Bahreïn, justement. Ouais, et c'est pas le seul, hein. Il y avait chez Mercedes, donc on le disait tout à l'heure, c'est pareil, il y a encore beaucoup de choses nouvelles. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a, dans ces quatre équipes, finalement, on a l'impression qu'ils veulent vraiment pas montrer. Ils attendent dernier moment pour pouvoir montrer leur voiture. C'est marrant, ça veut dire qu'ils ça prouve déjà qu'ils se craignent. Et ça peut montrer quelque chose, des choses inattendues peut-être à Bahreïn dans 15 jours. Stéphane, est-ce que tu as pu glisser ton œil inquisiteur sous les jupes de la Formule 1? Tu me vois venir à l'arrière du côté de ces fameux diffuseurs. On parlait des mille feuilles, on en est à combien? C'est tout à fait ça, hein. Ça devient assez impressionnant. Du côté des diffuseurs, justement, on parle d'une grosse nouveauté chez Renault pour Bahreïn. Ce sera la même chose pour Mercedes. Très certainement pour Red Bull, qui est la monoplace qui, pour l'instant, cache le plus son jeu. On essaye de déverminer la voiture plus que de chercher la performance absolue. Ce qui est amusant, c'est que trois équipes pensent avoir la voiture pour gagner, hein. C'est McLaren, Ferrari et Red Bull. Mark Webber, chez Red Bull, était très optimiste après ses roulages. On a une équipe qui est en attente. C'est Michael Schumacher, Nico Rosberg chez Mercedes. On dit, on va pas jouer la victoire d'entrée de jeu. Laissez-nous un petit peu de temps, mais on sait que Schumacher est un pro de l'intox. Et puis on va voir ce qui se passe derrière, parce que c'est vrai que, comme le disait Patrick tout à l'heure, hein, le rapport de force de Bahreïn ne sera pas celui de Barcelone quatre courses plus tard. On n'aura pas vraiment le temps de développer les voitures sur les 3-4 premières courses. Et on pourrait avoir des surprises après une Sauber, par exemple, qui a l'air très très rapide aujourd'hui, avec un budget qui est très étriqué. Ouais. Est-ce qu'elle va pouvoir soutenir la cadence au niveau du développement? C'est vraiment pas sûr. Et du coup, je pense que la hiérarchie va pas mal évoluer. Pour vous donner une idée du potentiel de McLaren, par exemple, en développement, la voiture, elle a gagné 2 secondes 6 l'année dernière, entre le premier et le dernier Grand Prix, alors que la Brown GP, qui a gagné les deux titres, n'a progressé, elle, que d'une seconde et demie. Donc même si McLaren était, par exemple, un peu à la traîne à Bahreïn, il faudrait surtout pas hypothéquer les chances de cette équipe, qui a un potentiel hallucinant. Alors Patrick, parlons de Renault, hein, également, parce que là aussi, on sait pas trop que penser. On sait qu'il doit y avoir des nouveautés, mais bah, je prends les essais de Barcelone. Le premier jour, Petrov seulement 8e temps, 74 tours couverts, c'est bien, mais c'est pas terrible. Kubica fait le 9e temps, 53 tours couverts le deuxième jour. Et puis ensuite, eh bien, on retrouve Petrov le troisième jour avec 68 tours. Alors là, pour le moment, je regarde d'ailleurs, voilà, Kubica est seulement 9e. C'est un peu moyen pour le moment, hein, pour Renault. Oui, c'est pour ça que je les mets dans les outsiders, un petit peu moins bien placés probablement que Sauber, Toro Rosso, Force India ou Williams, tant qu'ils ont pas mal de choses à montrer, mais enfin, ils vont présenter des nouveautés, donc espérons qu'ils aient mis le doigt en simulation et sur les ordinateurs sur ce qui va bien fonctionner. Bob Kubica a l'air, lui, assez serein, il dit on n'est pas encore prêt pour les podiums, mais on va progresser et on va développer tout au long de l'année, donc on est en reconstruction, c'est une année de transition. Quant à Petrov, il a tout à apprendre. Et il faut déjà qu'il consolide son baquet par la confirmation de son sponsoring et de son budget. Donc c'est une saison qui s'annonce un petit peu difficile, mais peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise chez Renault pour l'instant. Bah, espérons-le, bien sûr. Alors justement, Stéphane, toi qui observes tout ça de très près, est-ce qu'on voit la patte du management maintenant d'Éric Boullier, justement le team principal de cette équipe Renault? Oui, ça commence à venir. Beaucoup de pragmatisme. Pour vous donner un exemple, sur les trois premières séances d'essai, Kubica comme Petrov se sont plaints d'une pédale de frein qui était très spongieuse. La voiture freinait, elle était endurante au niveau de la décélération, mais le feeling n'était pas vraiment rassurant pour les pilotes. Et quand les pilotes se sont tournés vers l'équipe en disant « Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?», on leur a répondu « Écoutez, on a été champion du monde deux fois en 2005-2006 avec ce type de pédale. Alonso en était très content, donc n'allez pas nous apprendre notre métier. » Et bien là, il a fallu l'intervention d'Éric Boullier pour leur dire « Écoutez, le confort du pilote, c'est primordial. Si nos pilotes vous demandent de changer le feeling de cette pédale de frein, vous allez le faire. Nous sommes à Jerez. La semaine prochaine, on teste à Barcelone. Je veux que ce système de freinage soit revu. » Et il a été revu. Et la pédale, aujourd'hui, est bien meilleure. Donc, voilà, on avance petit à petit. Je pense qu'il y a un pragmatisme, un sens de la course. Parce qu'avec chez GP2, par exemple, on fait beaucoup avec très peu, finalement, en termes de moyens, qui secoue un petit peu Enstone et peut-être qu'il peut faire du bien. Alors, effectivement, le travail sur la pédale de Renault, pardonne-moi, Stéphane, mais c'est vrai que sorti du compte. Avec les deux titres en 2005-2006. Espérons qu'il n'est pas une voiture à pédale. Hein. Oui, c'est le souhait qu'on peut formuler. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Patrick. Merci à Stéphane. Les rivalités internes, non, ça ne t'intéresse pas pour l'instant, peut-être pour la prochaine fois. Ah, ben moi je veux bien. Ben écoute, je te garde alors après les infos. Ben écoute, il n'y a aucun problème. Mais on peut y revenir. Après, on parlera de Peugeot, de l'endurance. Mais allez, ben, on va se faire une petite pastille. Tiens, ben, vous restez avec nous. J'ai un déjeuner, j'ai le poulet qui m'attend. Tu vois comment t'es. Hein. Bon, tu nous mets l'eau à la bouche. Ben, ce sera pour dimanche prochain. Alors. Salut Patrick, merci beaucoup. Salut Stéphane, moi aussi je vous embrasse, hein, tous les deux. Et puis Antoine, bah tiens, toi tu vas rester là, ça t'apprendra. Bon, voilà, on se retrouve juste après les infos délivrées par Denis Lemoine dans un instant. Restez avec nous, donc on va parler beaucoup d'endurance, je vous l'ai dit, avec le programme Peugeot. Et puis de moto, bien sûr, avec le Superbike et le MotoGP. Restez avec nous.